cris tu sèmes le crème du mauve ciel mon bleu s'en va tu es non à le pot j'attends tu sur mes cris sont sûrs tu mens ma serre tu prises mon cœur je pense tu sais heureux je mets j'écoute tu parles je ne comprends pas bien la belle d'absence recrée la belle d'absence recrée la belle La belle ton sang recrée. Je crée les sauces, je sors. Thank you.